Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mu jina la Yesu Kristo. Nduko vraiment pouvez nous apporter le micro. Nous sommes encore dans la joie d'être dans la maison du Père. Tuko tena na fura ya kuya mu nyumba ya baba. Ça nous fait toujours du bien. Bine tupachiaka paka fura. Dans la présence du Seigneur, Mwepu wa Bwana, nous y recevons toutes sortes de bénédictions. Tunapokea mo aina yote ya baraka. Notre délivrance est réelle. Ukombozi wetu ni ya kweli. Dieu descend pour nous consoler. Mungu anashuka njoo tufariji. Et il descend pour résoudre nos problèmes. Na ekona shuka nju ya kuisha mambo yetu. C'est un père tendre. Ni baba mwema. Il connaît chaque situation. Anayua kila mambo. Et il se soucie de nous. Na ekoni tuangaikia. C'est pourquoi soyons confiants. Njoo kwa maana tumtumainie. Il sera avec nous. Ya kwamba atakuwa pamoja nasi. Et qu'il nous bénira. Na atetubariki. Saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia bandu kuna wadada be kumtandao. Et sans tarder, levons-nous pour l'étude de la parole. Na bila kawia tunashimama njoo usomi wa neno la Mungu. Si la chorale et l'église peut chanter les cantiques. Kama kwaya na kanisa naweza kuimba mwimbo. De kiluba que vous avez appris à l'église. Ya kiluba ile mulifundisha kanisa. Jesus, notre Père céleste. Baba yetu aliye juu mbinguni. Toi le grand Dieu. Weye Mungu mkubwa. Qui avant les temps tu étais Elohim. Mbele wakati ulikuwa Elohim. L'éternité en éternité tu es Dieu. Milele na milele uko Mungu. Tu es incomparable. Auna na kufananisha na weye. Il n'y a même pas de terme pour exprimer ta grandeur. Hakuna hata misemo njoo kuonekanisha ukubwa wako. C'est pourquoi nous te croyons par la foi. Je crois mana tunakuamini kwa imani. Parce que tu dépasses tout entendement humain. Sababu uko nashindia hata kuelewa kwa watu. Merci toi le tout puissant. Asante uwezo yote. Tu as accepté de devenir nous. Ulichika kuya sisi. Pour prendre notre responsabilité. Kubeba, pour payer le prix de notre rachat. Et pour faire de nous des enfants na, de Dieu. Kufanya, merci pour la souffrance que tu as acceptée à Asante, notre place. Merci pour Asante, la mort que tu as acceptée à notre place. Merci pour le sang versé pour notre rachat. Asante, mwanga, merci etu. Pour la résurrection. Asante, qui nous donne la victoire. Merci pour toutes ces belles promesses de la vie éternelle. Seigneur, Buana, tu es glorieux. Uku, wa tu es merveilleux. Uku adamani, à toi la gloire. Kwako utukufu, la puissance kwako t'appartient. Uwezo niyako, d'éternité en éternité, milele, ata milele, tu as prouvé que tu es Dieu. C'est toi qui ne peux pas partager mwe, gawanya, ta gloire avec quelqu'un d'autre. Na mutu mwingine. La bénédiction est baraka entre tes mains. Yote mikono yako. Viens maintenant ce matin. Bénis chaque frère. Bariki la ndugu. Bénis chaque sœur. Dada. Que les perdus soient sauvés. Bapotea, bapate okolewa. Que les pécheurs se repentent ce matin. Kutubu, et qu'il accepte l'œuvre du calvaire. Bapoke, kazi que les malades bagonjo, soient guéris. Bapate, tous ceux qui ont des problèmes bote, qui trouvent mambo, solution. Bapate, jibu. Les frères, les sœurs qui ont besoin de la bénédiction. Dans les activités, bénis le Seigneur. Ceux qui cherchent du travail, donne du travail. Bénis tous les conducteurs de cette église. Les frères et les sœurs qui sont en ligne, bénis le Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Soit avec nous. Du début à la fin. Mwanzo hata mwisho. Que ton nom soit glorifié. Jina lako litukuzwe. Au nom de Jésus. Mujina Yesu Kristu. Nous te prions. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Jean au chapitre 3. Yohana sura ya 3. Dans son verset 16-17. Mustari yake ya 16, 17. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3. Versets 16 à 17. Mustari yake ya 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwani Mungu alipenda ulimwengu. Qu'il a donné son fils unique. Na alitoa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, kusudi yoyote tamindani yake asipotee kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. Lakini apokee uzima milele. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans ce monde pour qu'il juge le monde. Mungu kwa kuwa asitume mwana wake mdunia ndio apate kuhukumu dunia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lakini njuli mwengu ipate kukolewa kupitia yeye. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomi wa neno lake. Depuis vendredi. Tangia vendredi. Nous avons commencé à parler du plan du salut. Tulianza kusemea yule ya mapu ya wokovu. Nous avons commencé un nouveau chapitre. Tulianza chapitre ingine, pande ingine. Dans la continuité de l'enseignement que nous avons. Mukuendelea na ile mafundisho tulikuwa nayo. Nous avons dit ceci vendredi, prenez vos papiers et vos bics. Tulisema hivi vendredi mchukue ma karatasi yenu na mabiki yenu. Le salut dans son entièreté est l'œuvre de Dieu. Ya kwamba okovu katika utelea yote ni kazi ya Mungu. C'est Dieu qui sauve l'homme. Ni Mungu pekee ndiye kuna okoa mtu. L'homme n'a rien à faire dans le plan de Dieu. Mumapu ya okovu mtu ana cha kufanya. Ce plan a été conçu. Il est map, il tungwa. Depuis l'éternité. Tangia mumilele. Et pendant cette période, l'homme n'existait même pas. Na mwile wakati mtu akukuyeko. Il était une pensée dans la pensée de Dieu. Alikuwa tu ni wazo mu mawazo ya Mungu. Et quand le temps est venu, na ile wakati ilifika. Dieu quitta l'éternité. Mungu akatoka milele. Et à la création. Na kulikuwa umbile. Pendant que Dieu créait les choses, wakati le Mungu alianza kuumba vitu, Dieu conçut des créatures. Mungu akaumba maumbile mbili qui étaient entièrement différentes d'autres. Ile ilikuwa kabisa kabisa ya kuachana na maumbile ingine. Nous avons montré que c'était les anges. Na tumeonesha kwamba ilikuwa ni ba malaika. Et l'homme. Namutu. Dans toutes les créatures. Katikati ya maumbile yote. Ce qui créa la différence. Kile kileta achanisho. Entre les autres et les anges et l'homme. Katikati ya maumbile vingine na wa malaika na batu. C'est le libre arbitre. Ilikuwa ni ile uhuru ya chakula. C'était la volonté. Ilikuwa ni mapenzi. Que Dieu avait placé dans les anges. Ile Mungu aliweka ndani ya malaika. Et dans l'homme Adam. Na ndani ya mtu Adam. Comme Dieu est Dieu. Sable Mungu anabakia Mungu. Connaissant toutes choses. Mwenye kujua vitu vyote. Il avait vu d'avance. Alikuwa kasha kutangulia kuona. Que ces deux créatures tomberaient. Ya kwamba ibi umbe biwiri bitangukaka. En utilisant mal leur libre arbitre. Mukutumia mubaya uru yabo ya kuchakula. Et en ce qui concerne l'homme, na kwa ile na mwangalia mtu, il a vu que lorsque l'homme tomberait, na Mungu aliona kwamba wakati mtu atanguka, ce dernier entraînerait toute la création dans la perdition. Naye ataingisha maumbile yote mupokupotea. C'est ainsi que Dieu dans son amour. Jukomana Mungu ndani ya mapendo yake. Dieu dans sa miséricorde. Murema yake. Il conçut un plan de la rédemption. Akatunga map moya ya ukombozi. Pour sauver tous les hommes. Ju ya kuokoa batu bote. Dieu n'a pas conçu un plan de la rédemption pour les anges. Mungu akutunge map moya ya ukovu juu ya malaika hapana. Il conçut seulement le plan de la rédemption pour les hommes. Akatunga tu mapu ya ukombozi juu ya batu. L'homme qu'il avait créé à son image. Mutu ule ariumba kwa mfano wake. L'homme qui était le Fils de Dieu. Mutu ulakuya mwana mtoto wa Mungu. C'est pour l'homme qu'il conçut ce plan. Na ni Dieu a mutu njo pala itunga ile mapu. La chute, comme nous l'avons montré, kuanguka pave tumionesha, est venue par Adam. Kulitokea kupitia Adam. Mais la rédemption, lakini ukombozi, vient en Christ. Inatokea ni kwa Kristo. Nous l'avons montré le vendredi. Siku ya kastano tuliambia que naître d'Adam, ya kwamba kuzalikwa kutoka Adamu, c'est naître pécheur, ni unazalikwa mtenda zambi, immortel, na walufu. Par la naissance d'Adam, kupitia kuzalikwa kwa Adamu, nous avons hérité tuririti, le péché, zambi, et la mort, na lufu. Maintenant Jésus est venu. Sa Yesu arikuya. C'est lui le second et le dernier. Ye mwenye kuya Adam wa pili na wa mwisho. Il n'y en a pas un troisième. Hakuna Adam wa tatu. Le dernier Adam est venu. Adam wa mwisho ula arikuya. C'est pour nous racheter. Ninju ya kutukomboa. C'est pour nous sauver. Ninju ya kutukomboa. Afin de retourner à la vie éternelle. Kusudi tupate kurudia kujua milele. Naître de Christ. Kuzalikwa toka Kristu. C'est naître avec la vie éternelle. Ni kuzalikwa na uzima milele. Et vous naissez juste et saint. Na unazalikwa mwenye kunyoloka na takatifu. Parce que vous venez d'une fontaine pure. Sababu unatoka kuchemchem safi. C'est ce que nous vous avons montré vendredi. Je l'ai tourné cha siku ya kastano. Et ce plan que Dieu a conçu. Na imapu Mungu alitunga. Ce plan imapla que Dieu avait conçu. Yenye Mungu alitunga. Pour sauver l'homme. Dieu a kuokoa mutu. Contient, notez cela. Ah, mwandike. Un. Kwanza. La prédication de l'évangile. Maubiri ya injili. Que nous appelons la parole de Dieu. Il est tunaita neno la Mungu. Que nous appelons la parole de Christ. Il est tunaita neno la Kristu. Que nous appelons la parole de vérité. Il est tunaita neno la kweli. Ce plan que Dieu avait conçu depuis l'éternité. Il est mapu Mungu alitunga tangia milele. Dans l'objectif de sauver l'homme. Mukifukuzio ya kuokoa mutu. Contient premièrement. Iko na kwanja. La prédication de l'évangile. Maubiri ya injili njo ya kwanza. Notez cela. Mwandiki. Deux. Ya pili. La repentance. Kutubu. La troisième chose. Na kitu ya tatu. Le libre arbitre de l'homme. Uru ya kuchakula ya mutu. La quatrième chose. Na kitu ya ine. C'est le pardon du péché. Ni usamea wa mazambi. La cinquième chose, na kitu ya tano, c'est la justification par la foi. Ni kuhesabiwa haki kwa imani. La sixième chose, na kitu ya sita, c'est le renouvellement de l'esprit. Ni kufanywa upya kwa roho. La septième chose, na kitu ya saba, c'est la nouvelle naissance. Ni kuzalikwa mara ya pili. La huitième chose, na kitu ya kenda, c'est la sanctification par la parole. Ni kutakaswa kupitia neno. La neuvième chose, na ya tisa, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Avec les promesses que je vais citer. Na malako ile mtataya. Je reprends. Mina rudiriam. Le plan que Dieu a conçu pour sauver l'homme, il est mapu Mungu alitunga juu ya kuokoa mtu. Un contient la prédication de la parole. Kwanza iku na mahubiri ya neno. De la repentance. Na ya pili inakuwa ni kutubu. Trois, le libre arbitre de l'homme. Ya tatu ni ile uhuru ya kuchakula ya mtu. Quatre, le pardon de péché. Ya ine ni usama ya mazambi. Cinq, la justification ya tano, par la foi. Kuhesabiwa haki kwa imani. Le renouvellement de l'esprit. Ya saba ni kufanya upya kwa roho. La nouvelle naissance. Kuzali kwa upya. Huit, la sanctification. Utakaso. Et neuf, le baptême na du Saint-Esprit. Na tisa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Avec des promesses. Pamoya na malako. Quelles sont les promesses que nous avons? Ni malako kani ile shitu kunayo. Quelles sont les promesses que contient le baptême du Saint-Esprit? Na ni malako kani iko katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. La vie éternelle. Kwanza kwa promesse de la vie éternelle. Ni malako ya bujima milele. Les promesses. Malako. Qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Il est qu'on a shindikiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il y a les promesses de la vie éternelle. Kuko malako ya bujima wa milele. De la résurrection. Ya ufufuko de l'enlèvement. Ya kunyanyuliwa tatu. De la transmutation. On va dire transmutation. Badirika. Je reprends. Minarudiriam. Le baptême du Saint-Esprit. Ou baptise au Rome Takatifu. A des promesses en lui. Daniayo Mukumalako. Et la vie éternelle. Na ya kwanza ni bujimo wa milele. De la résurrection. Ya pili ni ukufufuka. Quoi la transmutation? Ya tatu kufanywa upya. Kubadilishwa kwa mwili. Quatre, enlèvement. Na ya ine kunyanyuliwa. Cinq, la guérison. Ya tano ni matunzo. Ya la guérison. Muko matunzo. Six, le repas de noces. Na sita karamu ya mwana kondo. Sept, les promesses du millénium. Na ya saba ni miaka elfu. Neuf, la nouvelle Jérusalem. Na tisa Yerusalemu mupya. Ça a été promis d'aller habiter là-bas. Atulaka ya kwamba tutenda kukala kule. Et dix. Na ya kumi. La promesse de nouveau sur. Malako ya mbingu mupya. Et de la nouvelle terre. Na dunia mupya. Ce sont les promesses. Njo malako. Que nous retrouvons. Il est tukunapata. dans le baptême du Saint-Esprit. Ndani ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et Dieu a conçu le plan de toutes choses. Na Mungu alipanga mapu ya vitu vyote. C'est pour tous les hommes. Ni Dieu a batu bote. Le plan contient mapu iko la prédication de la parole, na maubiri ya injili ya neno, repentance, kutubu, le libre arbitre, uri ya chakula, le pardon de péché, usamehe wa mazambi, la justification par la foi, wake, kupitia imani, le renouvellement de l'esprit, kufanywa upya kwa roho, la nouvelle naissance, uzaliwa upya, la sanctification, kutakaswa, et le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, dans lequel il y a na, les promesses, de vivre ya kuishi milele, de la résurrection, ya kufufuka, de la transmutation, ya kufanya mwili mpya, de la guérison de ce corps, kutunzwa kwa mwili. Du repas de noces, ya karamu wa mwana kondo, du millénium, miaka elfu, de vivre dans la nouvelle Jérusalem, Jérusalem mupya, et de vivre na kuishi dans les nouveaux cieux, mambingu mupya, et la nouvelle na terre. Dunia mupya. Ce sont de belles promesses. Ni malako mzuri sana. Aucun homme ne peut vous les promettre. Na hakuna mtu hata mwanaweza kumilaka. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Jusque là, il n'y a pas un problème. Kufika na pale hakuna mambo. Lorsque Dieu avait vu, mwakati le Mungu alionaka, que tous les hommes sans exception, ya kwamba batu bote bila kutosha, seraient entraînés dans la mort par Adam, bote bataingizwa mulufu kupitia Adamu. Même indépendamment de leur volonté, ata kubila bapende, mais parce qu'ils sont nés de lui, lakini sababu barizaliko kutoka kwake Adam, Dieu dit alors, Mungu akasema basi, je vais sauver tout homme, mitaokoa mtu wote. Pourquoi je vais sauver tout homme? Dieu a dit mitaokoa mtu wote. Parce que l'homme n'est pas responsable de sa perdition. Sababu mutu ana mwenyewe apenda kupotea. Personne. Akuna mutu. N'est responsable. Ule ekona abujito. De sa perdition. Juu ya kupotea kwake. En dehors d'Adam. Inje ya Adam. C'est vrai. De akweri. Personne n'est responsable hakuna mtu na bujito d'être pécheur. Juu ya kuya mtenda zambi. C'est Adam. Ni Adam qui est responsable. Njo mwenye mwenye mambo. C'est pourquoi Dieu dit. Njo kwa maana Mungu anasema. Comme c'est Adam qui est responsable. Sa vile mwenye mambo ni Adam. De sa postérité. Na ya kizazi yake. De tous les hommes. Ya batu bote. Alors moi. Sasa hivi mie. Je vais sauver tous les hommes. Mitaokoa batu bote. En Christ. Ndani ya Kristo. C'est vrai. Bya kweli. C'est comme ça que Dieu s'est dit. Njo hivi Mungu alisema. L'homme n'est pas responsable. Mutu ana mwenye mambo. Nous ne sommes déjà tukunazalikwa pécheurs, batenda zambi, mortels, bakufwa, souillés, benye kuchafuka. Il n'y a rien de bon en nous. Amuna kitu hata kimoja kizuri ndani yetu. Nous ne sommes souillés et mortels. Benye kuchafuka, non pas parce que nous avons péché nous-mêmes. Haimaanisha kusema sisi ndio tulitenda dhambi. Non mon frère. Hapana nduku. Non ma sœur. Hapana dada. Nous avons hérité tuririti et le péché na dhambi et la mort na lufu. C'est notre père Adam. Baba yetu Adam. Et notre mère na mama yetu qui sont des responsables. Jo beji mambo. C'est vrai. Bya kweli. Dieu dit oui. Na Mungu anasema. comme tous meurent en Adam, moi aussi, je les sauve et je vais leur donner la vie en Christ. Dans Ephésiens au chapitre 1, commençons au verset 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon les bienveillants desseins, kufatana na vizuri ya mapu yake qu'il avait formé en lui-même, il enye alitungaka ndani yake pour le mettre à l'exécution ju ya kuitimiza lorsque le temps serait accompli, mwile wakati itafika, lorsque le temps wa wakati mwile wa wakati serait accompli itafika de réunir toutes choses en Christ, ya kukusanisha vitu vyote ndani ya Kristo, celles qui sont dans les cieux, bienye kwa mumbingu, et celles qui sont sur la terre, na bienye kwa pa dunia. Aujourd'hui, toi et moi, Léo, wenami, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Et connaît toujours l'isha, ma siri ya ma penzi yake. Siri, le mystère. Siri. Ces choses qu'il avait cachées dans son cœur depuis l'éternité. Arifuchika kanda ni moyo wake tangia milele. Ces choses qu'il avait formées en lui-même pendant qu'il était dans l'éternité, ces plans qu'il avait conçus depuis l'éternité, ce mystère qu'il avait caché à tous les hommes, aujourd'hui, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein. Fuatana na mapu yake mzuri. Ah, mapu yake il y a kutufuanashi mzuri. Ah, le bienvoyant de son plan. Un plan mapu qui est bénéfique yenye na faida pour nous kwetu chie. Un plan mapu ile pour nous faire du bien, ya kufanya bitu vizuri. Un plan mapu pour nous donner la vie, ya kupatia bujima. Un plan mapu pour nous donner la joie, ya kupatia fura. Un plan mapu pour nous donner la santé éternelle, ya afya nyele. Un plan pour nous donner la consolation, ya kupatia faraja. Un bon plan mapu mzuri, un bienveillant plan mapu ya mzuri samani ya damani qu'il avait formé en lui-même. Il a retunga kandani yake. Il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution. Dieu a kuitimiza lorsque le temps mule wakati serait accompli. Itaenea. Regardez le temps là dont la Bible parle. Mwangari ile wakati Biblia asemia. Il n'est pas dit le temps. Aiseme wakati. Il dit beaucoup de temps. Anasema mawakati. Quand ce temps-là viendrait, wakati zafika, il va l'exécuter. Ate itimiza. De réunir yokusanisha toutes choses en Christ, yisukyote ndani ya Kristo, celles qui sont dans les cieux, ni kwa mumbingu, et celles qui sont sur la terre. Depuis tout l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, ce plan imapu n'était pas encore exécuté. Bado ilikuwa yatimilika. Tout l'Ancien Testament en a parlé. Agano la kale zote lisemezea. Mais le temps d'exécution. Lakini wakati ya kutimilika kwayo n'était pas encore là. Bado ilikuwa yafika. Le temps d'exécution. Wakati ya kutimilika a commencé avec Jésus. Il y anza pamoja na Yesu. Et ça continue. Na ikunaendelea jusqu'à l'enlèvement. Kufika na kunyanyuliwa. C'est pourquoi il est dit Jukwamana le temps mawakati. C'est pendant une période. Ni mwakati fulani. C'est vrai mon frère. Ya kweli ndugu yangu. Selon les bienveillants. Fatana na mapo yake. Il était tout bon vizuri. Qui nous fera du bien. Mapo ile ambayo balitunga. Le plan que la conçu. Intérêt yetu. Dans notre faïda. Mais Mungu anajua kusema. Mais Dieu il sait bien parler. Ah Dieu sait parler. Anaya kusema mzuri. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada yangu. Dans 2e Timothée. Deuxième Timothée chapitre 1. Timothée a piri sur la kia kwanza. Deuxième Timothée. Timothée a piri. Je prends seulement le verset 9. Naba tu musali ya kia tisa. Qui nous a sauvés? Nani alituokoa? Qui nous a sauvés? Alituokoa? Qui nous a sauvés? C'est Christ qui nous a sauvés. Ni Christ Dieu a tokoa. C'est Dieu qui nous a sauvés. Mungu Dieu a tokoa. Et nous a adressé une sainte convocation. Na atutumia aliko takatifu. Non à cause de nos œuvres. Apana kwa ajili ya matendo yetu. Non à cause de nos œuvres. Apana kwa ajili ya matendo yetu. Il mwito takatifu Mungu anetutumia. La sainte convocation que Dieu nous a envoyée. Aina juu ya matendo yetu mzuri. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Nous allons expliquer cela. C'est facilia. C'est vrai. Bien quoi? Nous à cause. Apana. De nos œuvres. Wajili ya matendo yetu. Mais selon son propre dessein. Lakini kufatana na mapu yake mwenyewe. Mais selon son propre dessein. Lakini kufatana na mapu yake mwenyewe. Et selon la grâce. Na kufatana na neema. Qui nous a été donné en Jésus-Christ. Ile alitupewa ndani ya Yesu Kristo. Avant les temps éternels. Mbele ya wakati ya milele. Que Dieu soit loué. Mungu atukuzwe. Dieu nous aime. Mungu anetupenda. Toi tu n'existais pas encore. Bado ukuya unako. Kambu yako, kambu yako, kambula wako. N'existe pas. Ashikuku yeko. Même Adam. Ata Adam. Bado alikuwa shaku yako. Dieu a commencé à traiter ton salut avant les temps éternels. Comment Dieu pouvait-il traiter de mon salut si je n'existais pas? Comment Dieu pouvait-il traiter de mes affaires mambo yangu, si il m'a jamais vu? Kama akwaka shenyona, comment il pouvait s'occuper de moi? Namna kaniwezi kunyangaikia, si il m'a jamais connu? Kama akwaka shenijua. Vous voyez frère, munaona nduku, l'appel mwitu que Dieu nous a adressé. Il est Mungu atoyatumia. Cette sainte convocation. I aliko takatifu. est un appel gratuit. Ni mwito ya bure. La grâce que lui nous fait. Nema il est fashia. Ne dépend pas de nos œuvres. Ayangareta matendo yetu. Non, bien aimé frère. Apana ndukumpendwa. Mais selon son dessein. Lakini kufatana na mapu yake. Qu'il avait conçu. Yenye aritungaka. Depuis les temps éternels. Wakati ya milele. À Jésus-Christ. Dani ya Yesu Christu. C'est vrai. Mkweli. Alors les profanes peuvent dire. Jésus-Christ a existé dans l'éternité. Jésus-Christ a quoi comme milele. Non. Apana. Oui. Dio. Vous voyez. Munaona. Jésus. Yesu. Dans l'éternité. Milele. Il a existé. Arkuyako. Comme une pensée. Sawa wazo. Comme toi tu as existé comme une pensée. Baka vile na orkuyaka comme mawazo. Paka vile we urukuyaka. Tel qui toi aussi. Oazo ya Mungu. Tu étais dans le pensée de Dieu. Donc il est yes, c'est comme ça aussi Jésus-Christ. Il était dans le pensée de Dieu. C'est vrai. Nikweli. Nous allons en parler. Tout à fait mesia. C'est vrai frère. Nikweli nduku. Donc avant les temps éternels, c'est mbele wakati ya milele, Dieu a conçu ce plan. Mungu alitunga imapu. Parce qu'il voulait me racheter. Sababu alipenda kunikomboa. Il voulait te racheter. Alipenda kukomboa. Indépendamment bila de tes œuvres. Ma kuangalia matendo yako. C'est pourquoi Dieu kwamana, quand Dieu appelle quelqu'un, wakati le Mungu anaita mutu, je ne regarde pas Mungu angari yake, à sa condition actuelle, hali yake ya pale pale. Hapana. Kama Mungu yako anaita mutu, lorsque Dieu appelle un homme, kusema, il ne regarde pas pour dire qu'il est prostitué, ni mufumu, ou soit c'est un devin, ni ou soit c'est un voleur, ni bandit, ou c'est un mjambazi, qui qu'il soit, akuye nani, il est condition muleko, dans son état là, actuel, si Dieu veut appeler quelqu'un, kwa Mungu, ça n'empêche pas Dieu. La femme là, ce n'est pas par son propre vouloir, c'est parce qu'il a hérité de son père Adam. C'est pourquoi les gens qui disent, moi je ne peux pas venir au tabernacle, chez quoi le tabernacle, du coup ma chérie a pan, aïna ide, babele au tout kintu. Mungu, Dieu. Dans son appel saint, il appelle l'homme dans son état. Ne regarde pas l'état. Ne regarde pas l'état actuel. Même si il avait tué 1 million de personnes, ce n'est pas un problème. Il les avait tués, c'est parce que c'est un pécheur. Il les avait tués quand il était encore insensé. Parce qu'il vient d'un pécheur. Quoi, Mutenda Zambi. Même si une femme, elle avait couché avec 2 millions de Yabatu. Même si elle arrête de coucher avec les hommes, elle est allée coucher mais avec les chiens. Elle est allée coucher avec les chiens. Mais si le temps de l'appel de Dieu arrive, Dieu ne regardera pas parce qu'il avait couché avec 50 chiens. Elle avait couché avec 1 million d'hommes. L'amour de Dieu. Non, ma peine de l'amour. Ma peine de l'amour. Elle avait couché avec les chiens. Ana mambo yake, lakini Adam ndio mwenye mambo. Mwa mwanamu, mapendo yangu mie, itamwita. Même si elle s'enivre chaque jour, il s'enivre sur ses casiers de lutuku, de boissons indigènes. Chaque jour, il est toujours ivre. Mais si le temps de Dieu arrive, Dieu ne regardera pas, dit que c'est un fumeur de chanvre, il a déjà terminé de boire avec des whisky. Non. À Pana. Il a déjà couché aussi avec des canards, avec des porcs. Dieu ne regarde pas Mungu ça. Il n'est pas responsable. Il est mambo. C'est son père qui est responsable. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quoi. Quand Dieu regarde une femme, comme on est qui dépeinte sa même si elle est maquillée, on dirait des vins. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il a un amambo à Mungu. Cela ne touche pas l'amour et la volonté de Dieu pour Dieu. Mapendo na mapenzi ya Mungu juu ya mtenda zambi. Hata kama famille ya bote, toute leur famille, ce sont les devins. Quand Dieu veut appeler quelqu'un, mais wakati le Mungu asakuita mutu, bufumu wa famille ya bamuangalie. C'est le devin de sa famille là ne lui concerne pas Dieu. Dieu regarde Mungu enangaria à son plan, kumapu yake, à son amour, kumapendo yake, à sa miséricorde, na kurema yake. Dit, moi je l'appelle. Anasema mimi unamuita. Comme ne katale mambo yake. Si il peut refuser, c'est son affaire, mais moi j'adresse l'appel. Munaona nduku. Ata muntu. Même si un homme, kama alichomaka mgini mushima. Même s'il avait brûlé toute une cité, il a volé, il a cambriolé la banque, mais le temps de l'appel de Dieu, Dieu ne regarde pas le vol. C'est son père qui est responsable. Le péché du père, c'est pour son père. Et pour le fils, c'est pour son fils. Ça y vit. La fils a hérité le péché de son père. Les enfants, moi je ne peux pas regarder à ça. Il a droit à la grâce de Dieu. C'est vrai frère. L'église est avec moi. C'est quoi comme mon temps à Katala Nerolamana? Lorsqu'un homme refuse la parole de Dieu, Anakatala Mouito Yamou, il refuse l'appel de Dieu. Anakatala Ukweli Yamou, il refuse la vérité de Dieu. Ni yen Dieu comme Ubaya. C'est lui maintenant qui est méchant. Nous allons montrer cela. Tout est honnête. Mais dans les dessins éternels. Mais la qui dit Mouma puis Aminele. Makusudi Aminele. Dans les plans que Dieu a conçus, il a dit, je vais sauver tout le monde sans exception, sans considérer ce qu'il est, ce qu'il a fait. Non, il a fait parce qu'il est pécheur. Il est pécheur parce qu'il a hérité cela indépendamment de sa volonté et son père. Il n'est pas responsable. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu a vu la chute. Je commande à Mungu ariona kwanguka. Et en voyant la chute, na mukona kwanguka. Voilà pourquoi il conçoit ce plan de rachat. Je commande à Katunga imapu ya ukombozi. Et ce plan de rachat, il m'a pris au combozi mufati mzuri. Concerne seulement ikunangaria tout ceux qui sont tombés, bale banisha kwanguka, c'est-à-dire nikusema de la race d'Adam, ba mukizazi ya Adam. Ce plan dont nous parlons que Dieu a conçu. Il m'a pour tunasema enye Mungu alitunga. Pour sauver tous les hommes. Dieu a koko abatu bote. Ce plan ici. Il m'a pour tunasemezea. Qui a été conçu depuis les temps éternels. Baritunga mwakati ya milele. concerne uniquement inangaria tout peke la race d'Adam, kizazi kya Adam, des hommes ya batu. Le plan mapu de la rédemption ya ukombozi ne concerne pas les animaux. Ayangarie banyama. Ne concerne pas les oiseaux. Ayangarie bandeke. Ne concerne pas les poissons. Ayangarie basamaki. Ne concerne pas les herbes. Ayangarie michi. Ou les vers. Voilà. Mamisanda. Misanda. Ou les insectes. Voilà biloulou. Non mon frère. Apananduku. Non ma soeur. Panadada. Et ce plan Naïmapu ne concerne pas les anges. Ayangarie ba malaika. Non mon frère. Apananduku yangu. Non ma soeur. Panadada. Le plan de la rédemption. Mapu ya ukombozi. Que Dieu avait conçu Yenye Mungu alitungaka depuis l'éternité Tanga milele concerne uniquement Mangaria tout péché la race d'Adam Zazi ka Adam ceux qui ont hérité Bale baliriti le péché d'Adam Zambi ya Adam et la mort d'Adam na lufu lo Adam. Il n'y a pas de plan de rédemption pour les bêtes, pour les oiseaux, pour les anges. Non. Mais vous allez me poser la question. Dis frère, Duku. Si le plan concerne seulement kama si le plan concerne seulement les hommes. Mais pourquoi? Mais Dieu a dit. Toute la créature est tombée. Mombile yote ilianguka. Toute la créature est tombée. Mombile yote ilianguka. Parce que c'est l'homme qui était le chef. Sababu ni mutu ndio alikuwa chef yao. Chef était, l'homme était le chef de la création. Na mutu ndio alikuwa chef wa maumbile yote. Les anges sont tombés. Ba malaika balianguka. Sur bas de leur propre arbitre. Kwa ajili ya uru yao ya chakula. Les anges ba malaika ne sont pas des hommes. Bo aina batu. Ils sont dans des corps spirituels. Bo beko mwili ya kiroho ya ba malaika. Ils ne sont pas dans le corps de chair. Abana mumili ya mnofui. Non. Apana. La rédemption akini ukombozi concerne les enfants iku d'Adam. Ngaria tulipaka batoto ya Adam. Mais la création lakini maumbile est tombée avec Adam. Ya pamoja na Adam. Parce que c'est Adam. Sababu ni Adam. Qui était le chef. Yo alikuwa chef. De toute la création. Maumbile yote. C'est pourquoi elle, c'est-à-dire, elle a subi les conséquences de la chute de l'homme. Yo, il y pata tu ni matokeo mubaya kwa mbuka kwa mutu. Maumbili, il y pokea tu ni matokeo mubaya ya kuanguka kwa mutu. Comme ils sont tombés. Sa vina yobari anguka. Ils ont subi la conséquence. Na bo bari pokea bari sikia. De la chute d'Adam. Ile matokeo mubaya kuanguka kwa Adam. Ka Adam. Mwakati Adam. Et sa postérité. Na kizao yake. Seront rétablis. Batarudishwa. Toute la création na aussi. Na maumbile yote na yo. Sera rétablis avec le chef. Itarudisha pamoya na chefu. Romains chapitre 8. Wa Roma 8. L'église est avec moi. Romains chapitre 8. Ou Romains 8. Commençons verset 19. Tunaanzia mstari wa 19. Vous pouvez commencer mon verset. Vous pouvez commencer mon verset 18, il n'y a pas un problème. Hakuna mambo kama anzia 18. Je prends le verset 19. Neba 19. Verset 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Vile vile maumbile na yako na chunga na matumaini. Désir. Matumaini kutaka. La révélation des fils de Dieu. Ufunuo ya mwana wa Mungu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vile vile maumbile ikunongojea na tamaa kabisa kufunuo ya mwana wa Mungu. Kwani la création maumbile a été soumise à la vanité, ilitiisha kubadili, non de son gré, apana kwa kutaka kwayo, mais à cause de celui, lakini kwa ajili ya ule, il y a soumise, ule alitiisha, avec l'espérance, na matumaini, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, ya kwamba maumbile na yata corruption, uru kwa uharibifu, avec l'espérance na matumaini qu'elle aussi sera affranchie de la servitude nayo itaweka uhuru kubutumwa de la corruption kuharibifu pour avoir part juu ya kushiriki à la liberté uhuru de la gloire ya utukufu des enfants de Dieu ya batoto ya Mungu. C'est vrai ya kweli la création maumbile a été soumise à la vanité. Kubadili. Non de son gré. Apana kumapenzi yayo. Mais à cause de celui qui l'a soumis. Lakini kwa ajili ya ule aritisha. C'est l'homme qui était le patron de la terre. Ni mutu jo alikuya ekonongoza ekonangaja. Il était le chef de la terre. Alikuwa chef wa dunia. Lorsqu'il est tombé, wakati il alianguka, celui qui entraîna nani yejo alipeleka, toute la création maumbile yote, dans la chute mukuanguka. Maintenant, quand il sera rétabli, wakati atarudishwa, la création aussi na maumbile nayo sera rétabli, itarudishwa. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Pour les anges juu ya bamalaika qui sont tombés bale bale anguka. Parce que parmi les anges, il y a deux groupes d'anges. Il y a les anges qui sont tombés suite à la rébellion de Lucifer. Et il y a des anges qui ne sont jamais tombés, qui ont gardé leur dignité, qui n'ont jamais connu le péché. Bale abayagusa kuzambi. Qui n'ont jamais connu la chute. Bale abayayuaka kuanguka. Qui n'ont jamais utilisé. Bale abayatumiaka. Leur libre arbitre. Uru yabo ya chakula. D'une mauvaise manière. Nana mubaya. Pour les anges qui sont tombés. Dieu abale bamalaika wanaanguka. Dieu n'a pas créé, Mungu n'a pas formé un plan de la rédemption. Dieu a créé l'enfer. Mungu ariumba njena. Dieu créa le feu. Mungu akatunga moto pour le brûler. Dieu akubachoma. Pour tous les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Il n'y a pas un plan de rachat pour eux. Hakuna mapu ya ukombozi juu yabo. Dieu a créé pour eux. Aliutunga juu yabo. L'enfer. Jena. Le feu. Moto. Pour être brûlé. Juu bapate kulungua. L'enfer. Jena. N'a jamais été créé aikumbwake kamwe pour les hommes du abatu pour les fils d'Adam du abatoto ya Adam. Non, apana. La terre longo a été créé lumbiwa comme le domaine d'Adam sawa kazi et l'héritage de ses enfants na urithi ya batoto yake. C'est pourquoi, frères et sœurs, je commande ndukuna dada. Si un homme allait en enfer, kama mutu anenda mu enfer, C'est de sa propre faute. Ni kosa yake. Ce n'est pas la faute de Dieu. Aina kosa ya Mungu. L'église est avec moi. Kanisa tu pa moi. Parle ma soeur Onekala. Là où tu assises ma soeur. Parle mon frère Onekala. Là où tu assises mon frère. Uyu akusema. Sache que Gehenna, l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour vous. Dieu ne t'a jamais vu en enfer. Aya kuona kam Gehenna. Non. Apana. Dieu avait créé la terre. Mungu aliumbaka dunia pour toi. Juu yako. Et pour moi. Na juu yangu. C'est notre héritage. Ni urithi yetu. C'est pourquoi la terre. Jokomana dunia sera aussi rachetée. Nayo itakombolewa. Pour que les rachetés de l'Éternel. Juu ba kombolewa ba Mungu. Je ne vive. Ba pate kwa kuishi mule. Elle est tombée avec son chef. Il est encore pas moi un chef ou ailleurs. Elle sera rétablie avec na, son chef. Il n'a pas moi un chef. Mais dans l'enfer. Mais la kini mugiena. Vous n'avez aucun héritage. Amuna na uriti atamoya. Base. Tu n'as pas à hériter dans l'enfer. Auna na kia okuriti mugiena. Ma sœur. Dadang. Dans l'enfer, Géna, il n'y a pas votre héritage. Mon frère, Ndukuyangu, dans l'enfer, il n'y a pas ton héritage. Il ne faut pas être pressé de suivre les démons. Les démons, ils ont leur demeure, ils ont leur héritage. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant d'Adam. Tu as un plan de rachat. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai, dada. C'est dada. Amuna na urithi mu enfer. Vous n'avez pas l'héritage en enfer. Il n'y a pas votre place. C'est pourquoi, à part la coulouloume, ne sois pas pressé. Suivre les démons, parce que les démons, ce sont les anges déchus. C'est eux qu'on appelle démons. C'est pourquoi nous vous interdisons de faire les choses des démons. Les diables et les démons, ils marchent avec ta mort. Ils vont vers l'enfer. Maintenant toi, qui t'es aimant sur ta voie, là où il y a la vie éternelle, ce que Dieu a déjà fait pour toi, et te dit, les diables et les démons, ils sont devenus bien. Le diable, il ne t'a jamais créé. Et il n'y a aucune promesse que le diable peut te donner. Toutes les promesses du diable sont fausses. Ça va pour le diable lui-même. C'est lui le père de mensonges. Dans la bouche du diable, jamais il n'y a jamais eu la vérité. Son travail à lui, c'est les mensonges. Est-ce que frère Mounashikini? Vous suivez Ndoukou? Est-ce que frère Mounashikini? Vous suivez Bandoukou? Est-ce que sœur Mounashikini? Ma sœur, vous écoutez. Enfer aïna yenu. L'enfer n'est pas pour vous. Enfer, une fois cherché ta. L'enfer, c'est le lieu approprié au diable. Une fois chez à mon peuple Mouchaf. C'est le lieu approprié aux démons. Ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité devant Dieu. Les anges se sont rébellés contre Dieu parce qu'ils ont utilisé leur libre arbitre mal. Votre part, c'est au paradis. Votre place est au paradis. Il ne faut pas fournir des efforts pour aller dans le feu. Il n'y a pas ta place là-bas. Na pa kwenda mumoto. Et pour la aller dans le feu. Il faut que fwa la nguvu sana. En tout cas, il faut fournir beaucoup d'efforts. Faut pas tisser d'amitié avec les démons. Non, Dada. Non, l'amour de Dieu. Elle est tellement si grande. Et ça ne regarde même pas tes mal. Ça ne regarde même pas tes péchés. Il est à Kwangarie. Mais le mal que tu as fait. Et ce que tu fais. Non. Apana. Il a fait un plan pour toi. Arifa ma pour Duyako. Un bon plan pour toi. Ma pour Muzuri sana njo kokoa. Utakataria nini? Mais pourquoi tu vas refuser? Utakataria nini? Pourquoi tu vas refuser? Un homme comme celui-ci, il a fait un bon plan. Bana kuyengia pale. On t'a confié. Bana kuweka bintu byote bya bien. Là où on a mis toutes les bonnes choses. On a créé le moto avec le bois et le feu, mais tu as refusé le palais et toi tu veux te plonger seul dans le feu. Tu es fou. C'est quand on a ma sens, il y a bien. Justement, on a Abumuntu. C'est pourquoi, frère. Je commande Nduku. Si quelqu'un comprend correctement la parole de Dieu, il doit arrêter les péchés. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il ne faut pas t'amener seul dans les feux. La volonté parfaite de Dieu. Ma pensée kamini fui à Mungu. Et que tout homme soit sauvé. Mutuo tapate kukolewa. Peu importe ce qu'il est. Aizuru qu'il est. Prostitué. Dumba. Voleur. Wiji. Meurtrier. Wamuaji. Féticheur. Mula kwa kula kwisha. Wakufanya majende. Qui qu'il soit. Akuye nani. L'amour de Dieu. Ma pendo la volonté de Dieu. Ma pensée à Mungu. Il faut qu'il soit sauvé. Na fazali ule mutu akolewe. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. Kwa mtu anasema, si keke, si ibu ndumba minisa kufanya kuna pita. Ah, ça n'est assez avec ma prostitution. Même Dieu qui va me pardonner, ah, c'est la fête. Ni yeye mwenyewe. C'est de lui-même. Mini lala seulement, ni lala sana ba yimbwa. J'ai couché tant les chiens. On m'a couché pendant longtemps ne pas les chiens. Moi je crois que la grâce ici ne m'appartient pas. Mouzouri, c'est toi-même qui refuses la grâce. Mais la volonté parfaite mais la de Dieu. Ma pensée kamini fait amour. C'est pour que tu sois sauvé. C'est vrai, frère. Bia kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Bia kweli dada yangu. Kama kurukua namna. S'il y avait moyen. Mais que les diables puissent aussi te repentir. Dieu pouvait lui sauver. Kama mwa Satan. Il y avait la volonté d'être sauvé. Dieu pouvait lui sauver. Mais Dieu a vu. Mais la kiri Mungu aliona. Yakomba en lui les diables. Amukukuye kutaka. Il n'y a pas le vouloir, la volonté. Kumurudiria Mungu. De revenir à Dieu. C'est vrai, frère. Yakweri nduku. C'est Satan. Ni Satan. Et tous les démons. Na mademona yote. Qui refuse volontairement. Na kupenda kwa bwana katala. De se repentir. Kutubu. Et de revenir à na Dieu. Na kumurudiria Mungu. Ils avaient refusé. Bari katala. Lucifer, Lucifer, il avait juré avec les démons qu'il avait séduits à Tunguzaka. Nous ne reviendrons jamais à Dieu. Dieu a conçu ses plans Aritunga imapu pour que tous les hommes Jubatu boti de la race d'Adam Bamukizazi Adam soient sauvés Bapate kokolewa sans exception bila kuchakula bila kutoshako. C'est C'est pourquoi dans Jean 3, Jukomana Muyoano Surake ya Tatu, Jean 3, Yoano Tatu, Dieu nous aime. Mungu anetupenda. C'est vrai. Ya kweli. Le Seigneur même. Bwana anenipenda. Écoutez. Msikilize. Dans Jean 3, Yoano Tatu, commençons au verset 14. Jusqu'au verset 18. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque. Afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a hukumu. Non, mais pour que le monde, mais dunia, pour que les hommes, jubatu, pour que le monde dunia, soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui, n'est point jugé. Mais lakini, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Anesha kukumiwa, parce qu'il n'a pas cru sababu akuamini, au nom du Fils unique de Dieu. Mujina ya mwana wa pekee wa Mungu. Vous voyez maintenant? Vous naona sasa? Ici, il y a des groupes que nous allons parler. Hapa, unakuya makunji mbili sasa yule aliyetasimizia. Kuku bale banaamini. Il y a ceux qui refusent. Na bale banakatala. Vous voyez? Unaona? Maintenant, vous comprenez que dans le plan, c'est un tel quoi, ma mumapu, dans le plan mumapu, de la rédemption, ya ukombozi, le plan de la rédemption, mapu ya ukombozi, contient iko, le libre arbitre de na l'homme. Uri ya kuchakula ya mutu. Dans le plan de la rédemption, mapu ya ukombozi, que Dieu a conçu pour sauver l'homme, ye Mungu aliutunga cha kukoa mutu. Il y a la liberté, muko il y a le vouloir, muko il y a la décision, muko ma, de l'homme, ma mipango ya mutu. Celui qui croit, ou la namine, et celui qui ne croit pas. Na ou la stamine. Il y a celui qui veut. Muko ou la nataka. Et celui qui ne veut pas. Na ou la nakatala. Tu es entre tes mains. Yote, iko mikono yako. C'est vrai. On va t'expliquer. Tout à facilier à yote. 1 Timothée. Timothée wa kwanza. 1 Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Mungu Dieu a peine de upote. Je ne veux pas que tu sois perdu. Jokwamana, c'est pourquoi Mungu est kona kuvumilia sana. Dieu est patient. Unaya kusema. C'est vrai que ulipasha kufa zamani sana. Tu devais mourir il y a longtemps. Mais ma peine de ya Mungu. Mais l'amour de Dieu. Il kuchunga. T'a gardé. Il kuchunga. L'amour de Dieu t'a gardé. Na ufike mu wakati yako. Vous arrivez à ton temps. Ya ukovu. À votre temps du salut. Frère. Donc. Mon ami, il y a accident de fois. Oui, l'accident que tu avais fait. Tu devais mourir. On en a les chikou. Oui, le jour. Que tu avais bu de l'eau. Et tu as fait fausse route. Tu allais mourir. C'est vrai. Oui. Mais la grâce de Dieu a dit non. Il faut je dois lui appeler. Parce qu'en ces temps-là, Dieu ne t'avait pas encore appelé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma chère. Oui, tu devais mourir même pendant le sommeil. Mais Dieu t'a gardé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma chère. Vous voyez l'arbre. Il est baba yako au na mama yako ari kupusaka ile. Et ta maman a végété sur toi. Ça allait te tuer. Mais c'est la main de Dieu qui avait saisi à ses bâtons. Tu allais mourir. L'amour de Dieu. Ma peine de amour. Qui veut que tout homme soit sauvé. C'est vrai, frère. Il est malaria, il est malaria. La malaria qui t'attrape à tout moment cherche à te tuer. C'est Dieu. Mais la kini mungu qui te garde. Dieu na kuchunga. Parce qu'il a un bon plan. Ça va pour qu'on a mapu mzuri. Un plan. Mapu. Bienveillant. Ya damani. Voyez bien mes frères. Unaona nduku. Un plan pour te faire du bien. Dieu a kufacha bizuri. Voyez bien mes frères. Unaona nduku. Tu allais mourir lors de l'accouchement. Mais tu as envie. Mais la kinu komujima. La grâce de Dieu. Inema mungu. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Mungu. Dieu. Anakupenda sana. Il t'aime tant. N'a pende. Et il ne veut pas. Ou poté. Que tu puisses être perdu. A pende. Et il ne veut pas. Ou kufuye muzambi. Que tu puisses mourir dans les péchés. Mungu anakupenda dada. Dieu t'aime, ma soeur. Mungu anakupenda ndugu. Dieu t'aime, mon frère. C'est vrai. Ya kweli. Le devin que tu consultais, tu devais mourir. Vous vous souvenez dans la Bible? On a kumbuka en Biblia. Quelqu'un qui était malade. Kwa mgonjo, et il est allé consulter les devins. Na Mungu alimwambia akasema, quand tu allais consulter Balzebul, y a-t-il point de Dieu en Israël? Na et vas-y. Sache que sur le lit tu dois mourir. Lufu, la mort. Nous marchons avec. Nous nous réveillons avec. Nous nous asseyons avec. Nous mangeons avec. Nous dormons avec. Nous sommes des mortels. Tout comme à Koufoua. On a déjà pu dire ça pourquoi. As-tu déjà posé la question? D'où vient le puits dans ton corps? Pour ça. Le puits. Même si tu es en train, tu as de brûler là. Mais pour ça, d'où vient les pus dans ton corps? C'est pour te prouver que tu es déjà pourri. Tu es pourri, tu es mort, mais en train de marcher. Mais Mungu akumingu, le Dieu du ciel, tafuta, il veut à ce que tu puisses te faire quitter dans la pourriture, que tu sois correct. C'est vrai. Mon frère, Ndukuyangu, frère Timothée, Timothée Okwang, chapitre 2, sur la capiri, c'est vrai, verset 3-6. Moussare Katatu Nasita, écoutez, Moussikili, cela est bon, il est Ikuamuzuri, est agréable devant Dieu, notre Sauveur, na yakupendezwa mbele ya Mungu, Mukombozi wetu, wetu Mungu, notre Dieu. C'est lui le sauveur. Il est bon. Et agréable. Devant notre Dieu. Et notre sauveur. Qui veut. Où est qu'on appelle. Que tous les hommes. Soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon. Il est quoi, Mouzouri? Est agréable devant Dieu notre Sauveur. Belle à Mungu Mkombozi wetu. Qui veut que tous les hommes. Voulez qu'on appende à Batu Bot. En appende. Il veut. Batu Bot Angara ou le tout. Tout le monde. Regarde. C'est toi avec S. Sans exception. Voyez. Il veut que tous les hommes sans exception soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans la stupidité. Mubujinga. Pourquoi qu'on a voilà mon pantalon? Tu mettais les pantalons, toi, ma soeur. Ni Mubujinga. Pourquoi qu'on est comme un fou? Tu consultais les devins. Par ignorance. Mubujinga. Tu as brisé ta virginité. Ni Mubujinga. Tu allais chez les féticheurs. Tu consultais les féticheurs. Ni Mubujinga. Mungu anapenda kokole. Je vais te sauver. Na akupatie. Et te donner. Kufamu kwa ukweli. La connaissance de la vérité. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Que Dieu soit glorifié. Mungu asifiwe. Nous frères. Chie nduku. Nous ne sommes rien. Chie atuna kintu. Nous ne valons rien. Atuna abeyi. Les études, nous n'avons pas fait. Le français même, nous ne connaissons même pas. L'argent, nous n'avons pas. Nous sommes des hommes inutiles. Des hommes qui n'ont pas de valeur. Mais le Dieu du ciel veut notre salut. Le Dieu du ciel, il veut que nous puissions connaître la vérité. Dieu a nini. Ça va vous utiliser comme un bongo. Vrai frère. Parce que quand nous connaissons la vérité, la vérité nous affranchira. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Dieu fait que nous connaissons la vérité. Parce que la vérité affranchit. Il ne te fait pas ouru. À l'égard de tous les démons. Pour ma démon à yote. Kudunia yote, kuzambi yote, wabile yote liko vibaya. Quel amour, mapendo kani. Quel amour, mapendo kani. Mon frère, ndugu yangu, Mungu anakupenda sana. Je t'aime tant. Ma sœur, dada yangu, Mungu anakupenda sana. Je t'aime beaucoup. Ma sœur, dada yangu, Mungu anapenda. Je veux uokolewe, que tu sois sauvé. Na uyuwe, et que tu puisses connaître la vérité de la parole. Que tu puisses lui connaître lui-même, il est qui. Sa parole c'est quoi. C'est vrai frère. C'est quoi l'induku. C'est vrai ma sœur. C'est quoi l'idada. C'est vrai. Il veut cela. En appenda il est. Dans Tite. Mon Tito. Au chapitre 2. Tito sera capiri. Est-ce que l'église avec moi? Kanisa tout pas moi. Mungu anetupenda. Dieu, il nous aime. Appende tout côté. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Non. Apana. C'est vrai. La grâce de Dieu. Nema amung. Je veux que tu sois sauvé. Napenda upate kukolewa. Dans Tite chapitre 2. Tito sura kapiri. Verset 11. Mustare kia kumina moja. Car. Kwani. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Chemu chemu ya okovu ya batu bote ilionekanishwa. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. La source de salut. Chemu chemu ya okovu. Pour tous les hommes sans exception. Bila kutoka kwa Mungu. A été manifestée. Ilionekanishwa. Quand est-ce que la grâce a été manifestée? Wakati kani neema ilionekanishwa. Cette grâce. Ineema. A été manifestée. Ilionekanishwa. Au bois du calvaire. Umuchi ya calvario. La grâce. Néma. Qui est la source. Nyekua tchem tchemu. Des saluts pour tous les hommes. Ya okovu jua bantu boti. A été manifesté en Christ. Iyo nekanisho andani ya Christu. Oui, bien-aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Christ. Christu. Est notre solution. Dio jibu yetu. C'est vrai. Ikweli. Apana kukatala mwito ya Mungu. Faut pas refuser l'appel de Dieu. Apana mon frère. Apana non nduku. Apana ma sœur. Non ma sœur. Mungu anakupenda. Dieu vous aime. Oui. Dio. Mungu. Dieu. Apende akuone. Il ne veut pas te voir. Wewe ukufwe. Mourir. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Mungu anapenda. Dieu veut. Oui, milé na milé. Que tu vis d'éternité en éternité. Mungu. Mungu, Dieu, il est réjoui lorsque toi tu es sauvé. C'est la réjouir. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Quand un homme est sauvé, ça lui fait du bien. C'est agréable. Ni ça lui donne la joie. Il est fier. Quand quelqu'un est sauvé. Ézéchiel. Chapitre 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18. Verset 23. Ah, Moustalé qui a ma koumi. Verset 32. Verset 31 à 32. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 23. Nous prendrons le verset 31 jusqu'au verset 32. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? L'Église est avec moi. Ce que je désire, c'est Dieu lui-même qui dit. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dis l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Frère, Nduku. Dada. Mungu wa kumbingu. Dieu du ciel. A peine de kufulufulu wako. Il ne veut pas ta mort. Apana. Non. Ma pendo ya Mungu. L'amour de Dieu. A ipende ukufwe. Ne veut pas votre mort. Ma pendo ya Mungu. L'amour de Dieu. A ipende. Ne veut pas. Que tu continues dans le péché, dans les crédulités. Apana. Aïe la kile Mungu ekona pendo. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mungu anapenda Dieu veut que tu puisses abandonner tes pieds, que tu puisses changer et que tu sois sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Tu m'appelles Diamungu. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Tout pambari na moue ma kumunja kwa neno kote. Mushimamiche. Arrêtez. Voyez. Toutes transgressions. Kumunja kwa neno kote. Par lesquels vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc. Et vivez. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dieu ne veut pas ta mort. C'est vrai, frère. Si un homme mourait aujourd'hui, c'est par sa propre faute. Parce qu'il ne veut pas le salut. C'est l'homme lui-même. Il ne veut pas les saluts. Vous donnez la parole de Dieu à un homme. Vous lui adressez la voie du salut. Lui-même, il a refusé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut faire? Parce qu'il est libre. Ekouru. Dieu n'est pas un dictateur. Mungu ana kukazisha. Achampombe. Arrête la bière. Ah, moi si je prends la bière, je me sens bien. Oui, c'est toi qui aimes la bière. Oui, je l'appelle. C'est toi qui aimes. Comment vous pendez, vous êtes bien. Si tu ne veux pas, tu vas arrêter. On va l'appeler de Coca-Cola. Je vais te sauver. Ah, c'est bon. Où y a quoi? Et dit, venez à moi. Venez à moi. Moi, je vais te sauver. Et toi, tu dis? Non. Moi, je veux le diable. Apana, non. Moi je vais Apana, la monnerie. Moi je vais Apana, la prostitution. Moi je vais oui. Les péchés. C'est toi. Mais Dieu ne veut pas. Mungu a peine de. Ne veut pas. Ce n'est pas dans la volonté de Aïna Dieu. Aïna di amung. Oui bien aimé frère. Ce n'est pas dans la volonté de Aïna Dieu. Aïna di amung. Ézéchiel 33. Ézéchiel ma. Verset 10 à 12. Ma kumitatu natatu musereke. Dis-le. Bambie. Je suis vivant. Nikomujima. Dis-le Seigneur l'Éternel. Asema wambwana wamilele. Ce que je désire. Il est mimi nataka. Ce n'est pas que le méchant meurt. Aïna babaya fatika. C'est qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Na baishi. Revenez de votre mauvaise voie. Manjai nu mubaya. Et pourquoi mouriez-vous? Maison d'Israël. Nyumba Israeli. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton père, la justice du juste, ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Vois bien de mes frères, vois bien de mes soeurs, Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Et même ce matin, Dieu te dit, pourquoi tu aimes mourir? Pourquoi tu désires mourir? Pourquoi? Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que les enfants d'Adam demeurent dans la mort. Non, bien-aimé sœur. Il veut ton salut. Oui. Il veut ta délivrance. Oui. C'est ça Dieu. Deuxième Pierre. Petro. Chapitre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, frère. Oui, ma sœur. Dieu veut te voir te détourner du péché, te repentir et vouloir son salut. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. C'est pourquoi vous devez noter ceci. Aujourd'hui, Léo, si un homme se perdait, il se perdra lui-même par sa propre faute et par sa propre volonté. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu t'es perdu, tu es perdu par ta propre volonté. Aïna ma pensée à Mungu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens disent, c'est la volonté de Dieu. Ma pensée à Mungu. Que je sois une prostituée. Jo ni kondumba. Bongo. C'est faux. C'est la volonté de Dieu. Ma pensée à Mungu. Que je sois un voleur. Jo ni kumuishi. Bongo. C'est faux. Bongo sana. C'est faux et archi faux. Dieu ne veut pas cela. Ongo spende ile. Ah, c'est la volonté de Dieu. Même si je suis prostitué, c'est la volonté de Dieu. Ah, même si je suis voleur, Dieu connaissait déjà que j'étais voleur. Dieu connaissait que tu étais voleur, mais Dieu ne voulait pas que tu sois voleur. Dieu savait que tu seras prostitué, mais il ne veut pas que tu sois prostitué. C'est la volonté de Dieu, moi je suis colorique. Et il a une... Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la vérité. Je commence à mouiller les âmes. Dieu veut que tu arrêtes ta colère. En Dieu, il n'y a pas de colère. Si je suis un menteur, si je suis un menteur, c'est la volonté de Dieu. Papa, non. Je suis ce que je suis. Nico, tu es Nico. Nico, tu as ma paix d'amour. Papa, non. Tu es ce que tu es. Nico, tu es Wiko. C'est par ton propre vouloir. Taka Kwako. Dieu ne veut pas cela. Moi, je prends d'Aki. Moi, je prends la bière, c'est la volonté de Dieu. Tu mens. Faux. Y'a bongo. Nico, Moutenda Zambi. Moi, je suis un pêcheur. Il m'appelle Jamon. C'est la volonté de Dieu, c'est faux. C'est toi qui le veux. Je n'aime même pas les diables. Auna ndumba tu shetane kwa kufikisha uko ndumba ni wewe jo unapenda tu le veux pourquoi tu anini ni tu solution babu jibu ya kwata bundumba inaita kuyako et là pala kumui pala solution iko kuyake ko il y avait pas de solution ile kwa ni mambo ingine là c'était autre chose il y a une solution mina kuko jibu ndani ya Kristo leo wewe na kulanda aujourd'hui tu peux pas mentir. Non frère, pananduku. Non ma sœur, panadada. Miko mwinji, moi je suis voleur, c'est la volonté miko, de Dieu. Je suis, miko musharati, je suis adultère, c'est la volonté de miko Dieu. Miko nalanda, je mens, c'est la volonté de Dieu. Apana mapenzi ya Mungu. Non, c'est pas la volonté. Quand mina potea, ni mapenzi ya Mungu. Non, mapenzi ya Mungu. Non, tu mens. Ya Mungu nalanda. Jérémie 17 verset 4 dit. Jérémie Kuminasaba, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. La vie éternelle nous a déjà été donnée en Christ. Même ce matin, ataya subui. Kama unakosa bujima milele, si tu n'as pas la vie éternelle, aina nkosa ya Mungu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ni nkosa yako wewe mwenyewe. C'est pas ta propre faute. Leo, aujourd'hui, aina nkosa shetani. Ce n'est pas la faute du ni diable. Ni yako wewe peke. C'est pas ta propre pourquoi faute. Pourquoi aina nkosa shetani? Pourquoi c'est pas la ni faute au diable? C'est parce que le diable. Yesu anaisha kumushindwa. Jésus l'a déjà vaincu au bois de calvaire. Satan est dépouillé. Satan m'a laissé à mon bout là. Comme aller on a poté. Si aujourd'hui tu es perdu. Ah ouais, je coulandis à Satan. Tu ne peux pas mentir sur les diables. Satan. Diable. Yes, on est comme mon film. Jésus lui a déjà. Yes, on est comme mon win. Jésus lui a déjà vaincu. C'est pourquoi après la coulanda bongo. Il ne faut pas nous mentir. Nililanda. Oh, moi j'ai menti, c'est le diable. J'avais fait la terre, c'est le diable. Je me suis bagarré, c'est le diable. Non. Ni oué peke. Toi seul. Joe, on a peine d'aboukonvi. Tu aimes tes bagarres. On a peine d'matouche. Tu aimes les insultes. On a peine d'tchouki. Tu aimes la haine. On a peine d'quoi nous boadui na bantu. Être dans une misère. On a peine d'boucharati. Tu veux la ni oué, Joe, on a peine d'. Toi. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, bien-aimé frère. Pananduku. Non, bien-aimé sœur. Panadada Mpendwa. C'est vrai. Kweli. Dans Osée au chapitre 11. Osée Kuminamoja. Notez ces écritures. Wandike Mandiko. Verset 7. Mon peuple est un clan à s'éloigner de moi. Iku Nenda. Et qu'on a penchant, il a un penchant. On les rappelle vers le Très-Haut. On les rappelle vers le Très-Haut. On les a tués. On les rappelle vers le Très-Haut. Mais aucun d'eux ne l'exalte. Eko na mutukuza. Dieu dit, c'est mon peuple. Nous sommes son peuple. Mais c'est le peuple de Dieu. Ils sont penchés en fuyant Dieu. Même si Dieu envoie les prédicateurs. Dieu a valoris à quoi Mungu pour le retourner à Dieu. Mais bon, mais qu'on a katala. Mais eux, ils refusent. Comment tu peux savoir Milele? De glorifier Dieu. C'est vrai, frère. Kweli Nduku. C'est vrai, ma sœur. Kweli Dada. Ni wepe que Dieu a upende. C'est toi-même, tu ne veux pas. Même en Osée chapitre 7. Ata Osée Saba. Verset 10, l'écriture. Italia qui a commis un dicon à Sema. L'orgueil d'Israël. Qui bourre à Israël. Témoigne contre lui. Iko Nashudia. Qui bourre Yako Wesse. Ton orgueil à toi. Qui bourre Yako Wesse. Mon frère. Mon frère. Dieu. Mushuda Wako. C'était qui témoigne contre toi. ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne recherchent pas. Na ba mtafute, malgré tout cela. Ata ile yote, malgré ma ouvire. Malgré les prédications. Malgré l'appel de Dieu. Malgré ma exhortation. Malgré l'œuvre que Dieu a accompli au roi. On ne ramène vers Dieu. Dieu quoi qu'il va vous faire. Mais il refuse. L'orgueil. Kiburi. Kiburi yako, ton orgueil, Dieu itakupeleka mu enfer. C'est ce qui t'amènera mujena. Ni kiburi yako, c'est ton orgueil. Dieu va kuchunga mubongo. Qui te garde encore dans le mensonge. Na mafundisho ya bongo. Et dans des fausses doctrines. Na maisha ya nzambi. Et dans la ni vie kiburi du péché, yako. C'est ton orgueil. Mais ma penzi ya Mungu. Et la volonté de Dieu. Anapenda kukukola. Il veut te sauver. Ma Mungu, la volonté de Dieu ne veut pas te voir zambi, dans le péché et dans la mort. C'est ainsi que Mungu, Dieu vit Dieu. Kaji, il a le travail yake, d'utiliser ses serviteurs kuite kunema, afin de t'attirer à la grâce et toi Jou qui réfugies yako, à cause de ton orgueil. Mon frère, yangu, ma soeur, acha kiburi. Arrête ton orgueil. Kama unashikia neno la si Mungu, tu écoutes la parole de Dieu, utakufua. Tu mourras. Auta gagner kintu hata kimoya. Rien gagné. Kupande ya shetani. Ah, de la part du diable. Ye mwenye unachunga, eko na moto. Il attend le feu. Sasa atakulaka nini? Maintenant, qu'est-ce qu'il va te donner comme promesse? Et il va te donner quoi? Quoi bien mes frères? Non landu kumpen. Quoi bien mes sœurs? Ma buna da dampendo. Kiburi tuache. Arrêtons. Kama tunapokea mwito ya Mungu. Nous recevons l'appel de Dieu. Tuachane kiburi. Arrêtons l'orgueil. Tuachane na kiburi. Arrêtons avec l'orgueil. Tuache kiburi. Arrêtons l'orgueil. On te dit la volonté de Dieu. Mais toi tu fais l'orgueil. Uko d'abord nani. Tu es qui d'abord? Na uko nanini. Et tu as quoi? Tu prends, tu vas te mirer, tu regardes un peu le jour, tu dis, ah, Niko Kiana Mouzouri, Kiana Mouzouri, Mourembo, Niko Bibi Mourembo, miroir, tu te regardes, tes formes, et dis, Apana Nikuna Umbo Mouzouri, c'est le diable qui te trompe. Vois à l'hôpital. C'est là que tu apprendras correctement. Il est Mayani, on est chaque Jifunika, il est Mayani. Les chiens que tu as là, que tu couvris, qui sont bouillis, si Dieu dit, Moussemotou un mot, tu fais que mangarine. Jusque le soir, tu n'auras pas cette beauté. Pose la question aux gens qui attrapent le choléra. Et pose la question à ça. On ne peut même pas t'accorder, mais ma tambi. Tout à foubala. Tu es un mourant. Tu es resté un cadavre avec des os seulement. Mais avec des yeux qui tournent seulement. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Auna la kintu. Arrête le rien. Auna la kintu. Nduku. Kama unashikia mwito ya Mungu, si tu entends l'appel de Dieu, ya Mungu, c'est l'amour de Dieu. Fua, il ne veut pas ta mort. Ukufue, il ne veut pas ta mort. Zambi, arrête le péché. Mungu, retourne à Dieu. Mungu et Dieu va te sauver. Acha kipengo. Arrête seulement l'orgueil. Tu n'as rien. On a la kintu. On a kintu. Ah, les maisons que vous construisez. Quand Mungu asema tu kamoya. Ah, il y aura tremblement et te couvre. Et même le brick que tu as, ça va t'éparpiller. Et toi-même, tu vas t'éparpiller. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Là où tu es là, tu es comme une poule. Tu es comme les chèvres. Et ta chair pareille aux chèvres. Tu ne vaux rien. On a la kintu, on a la baie. Arrête ces mains, l'orgueil. Tafuta Mungu. Cherche Dieu. Mwile manjia, ekone jifununa. Là où il se révèle. C'est vrai, frère. Kweli nduku. Na ose là au chapitre 7. Ose mule musoya kasaba. Voyez. Non. Dans son verset 13 à 14. Mustari yake. Malheur à eux. Oh le kwabo. Parce qu'il me fuit. Sabe nikimbia. Ruine sur eux. Parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Mais ils se lamentent dans leur couche. Non, frère. Non, ma soeur. Atia kibengo. Arrête ma malédisance. Atia kiburi. Arrête l'orgueil. Atia majivuno. Arrête de l'orgueil. L'avantagisme. C'est vrai. Kweli. Celui qui te fait un homme, c'est Dieu. Le même Dieu, il a le pouvoir à faire un homme. Où le Mungu Mwamoya peut te transformer en crapaud. Le fait déjà qu'il y a un homme. Pas de tout qu'il y a un homme. Il est battu au repas de Akuya Muntu. L'opportunité que tu as reçue d'être un homme. Dieu a créé pour toi, déjà, a conçu pour toi le plan du salut. C'est ça la grâce d'abord. Si Dieu t'avait créé comme crapaud, tu allais faire quoi? Si Dieu t'avait créé comme hibou, tu allais faire quoi? Si Dieu t'avait créé comme lapin, tu allais le faire quoi? Ah, on a quoi, kiboko, ou soit tu es devenu tortue ou crocodile dans l'eau. Kiboko. Hippopotame. Tu vas aller faire quoi? Si moi je passe à combo au coup à ta moussorio. Dieu pouvait te créer même les arts. Et avec de l'âme de chercher l'étoile. Mungwa, il te fait une femme. Mungwa Kumba, mon amour. Il fait le même plan pour toi. Et il a créé Anaunga, Mapu, il ne veut pas que tu sois perdu. Mais toi-même, dans ton orgueil, tu veux te perdre. Non, mon frère. Nanduku, Dieu ne veut pas la mort de celui qui veut mourir. C'est vrai, frère. Dieu ne veut pas cela. Oui, mon frère. Yonduku. Oui, ma soeur. Yodada. Dieu ne veut pas cela. Ouaspendeire. Dieu veut Ouanapenda. Que tu sois sauvé. Pate kukulewa. C'est ça la volonté de Dieu. Ouanapenda yamu. C'est pourquoi il faut écouter son appel. Ouanapenda yamu. Il faut écouter son appel. Dans Psaume. Muzaburi. 73. Ma kumisaba natatu. Psaume 73. Zaburi ma kumisaba. Dans le verset. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est vrai, frère. Pour les élus, s'approcher de Dieu, c'est ça, ce qui est bien. C'est pour leur bien. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Mungu, Dieu, appelle au coufoué. Il ne veut pas votre mort. Non. Afana, Mungu, Dieu, en appenda, veut au kolewe, que tu sois sauvé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Si tu ne veux pas être sauvé, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi Dieu, dans Ecclésiaste 3, verset 11, il dit ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin, frère, pour pour montrer que Dieu t'aime malgré tu es tombé, malgré l'homme est tombé, l'homme dans son cœur, il a toujours la pensée d'éternité. Parce que Dieu l'a créé pour qu'il vive éternellement. C'est pourquoi. Même si tu trouvais une vieille dame de 100 ans, il n'a pas de force. Ah, même le don dans la bouche est déjà terminé. Il n'a pas la force de manger. Il ne mange que la boue. Il ne marche pas. On le fait sortir. On le tire sous le soleil. On le retourne. Si toi tu oses, Kambo Jamari, que tu puisses mourir. Il te dira, tu es sorcier. Tu es sorcier. Il n'y a pas les gens qui aiment vivre comme les hommes. Et l'homme, même tel que nous sommes ici, il n'y a personne qui pense qu'il peut mourir. Tout homme ici, il veut, il sait qu'il va vivre d'éternité en éternité. Aucun homme ne veut mourir. C'est à cause de la pensée d'éternité. Quoi dire, il est mon oiseau à mille. Il condamne. Wakati Adam alianguka, nous sommes tombés avec lui. Et la pensée d'éternité, la milele, pensée de vivre éternellement, et milele, est demeurée en nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mina mapendo amour. Pour rendre cette pensée la réelle. Donc, une panier, il est oiseau, pas de quoi au coué. Il est nia, il est pas de quoi au coué. Il a envoyé Jésus. Ah, tout maïs au Christ. Il a fait ses plans. Pour te sauver. Il ne veut pas te voir mourir. La mort est en Adam. Mais la vie éternelle est en Christ. Condamné à Christ. Ça, c'est au Tagatarianisme. Maintenant, pourquoi tu peux refuser? Pourquoi tu refuses? Joanie una katala. Pourquoi tu refuses? Joanie una katala. Ouais, bien mes frères. Pourquoi tu refuses? Joanie una katala. Dieu veut que tu sois sauvé. Et Dieu veut te sauver. Il a conçu le plan pour te redresser. Mais toi tu ne veux pas. C'est vrai frère. Tu sais que tu es là. Parce qu'on est qui pende. Abou, tu le veux. Frère. Si tu veux être chrétien, tu seras chrétien. Si tu veux rester païen, tu le resteras. Si tu veux aller en enfer, l'endroit qu'on a payé pour le démon, tu iras. Si tu veux aller au paradis, ou aller vivre l'éternité, l'éternité avec Jésus, tu iras là-bas. Ça dépend. Inangalia. De ce que tu veux. Tout ni il est on appenda. Mais ma peine y a mungu. La volonté ma de Dieu. Ma peine y a mungu. L'amour de Dieu. Ni ouais. Que toi. Ou pas de gokolewa. Être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Mungu ami bari. On va continuer. Tu n'as jamais appris à tendre. Tu as compris. Nanya na eleo. Papa, qui veut aller en enfer? Nanya penda kwenda mugiena. Qui veut aller en enfer? Nanya penda kwenda mugiena. Personne ne veut aller à l'enfer. Ça va. Mzou. C'est bon pour la prière. Touchez ma main, Jokumba. Que mon kenja iba kweto. Manda mbaye. Banayo. Nadada. Aujourd'hui. Léo. Comprenez que c'est la volonté de Dieu. Eleweni ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Que tu sois sauvé. Ya kwamba upate kukolewa. Dieu ne veut pas Mungu apende que tu restes pécheur. Upate kubakia mtenda zambi. C'est pourquoi Dieu kwa mana accepter son salut. Ichika wokovu yake. Prions tous ensemble. Tuombe sisi wote. Personne.